Voilà. Bonjour Brigitte. Bonjour Béatrice. Je te remercie d'avoir accepté cette interview et je vais commencer par la première des questions qui est quel est ton nom et où est-ce que tu te trouves en ce moment? D'accord. Alors, je suis Brigitte Martel-Cailleux et je suis en ce moment en Normandie, dans un petit coin de Normandie qui s'appelle le Perche, où j'ai une maison. Voilà. Et un jardin, très important, le jardin. La deuxième est plus vaste, c'est qui es-tu comme personne? Oh là, ça commence par des questions fortes, ça. Voilà, comment je peux Ça répondre veut à ça? dire tes intérêts, tes passions, oui. Ce qui te motive, c'est large. Et tu prends l'angle que tu veux. Moi, quand je cherche comment commencer, je crois que ce qui pourrait me définir, alors, au démarrage, c'est que j'aime pas du tout la routine. Et ça a été quelque chose qui était important dans ma vie professionnelle, personnelle aussi, mais professionnelle, dès que je commence à m'ennuyer, bon, soit je regarde un petit peu, j'essaie de modifier quelque chose, soit je me dis c'est peut-être le temps d'aller voir ailleurs. Et j'ai fait ça principalement, mon premier métier, j'étais enseignante, avec beaucoup de plaisir pendant une quinzaine d'années. Et quand j'ai senti la routine, la lassitude, quelque chose qui commençait à venir, alors là, ça m'a activé pour voir ce que j'allais, est-ce que j'allais continuer, comment, ou est-ce que j'allais faire quelque chose d'autre. Je crois que c'est un petit peu le, non pas ce qui me définit, mais quelque chose qui est vraiment important dans ma, quand je regarde toute ma vie, quoi. Voilà. Sinon, je suis, comment, je suis une femme et une mère. Et être mère a été quand même aussi très important. J'ai deux filles qui sont maintenant des femmes, qui ont elles-mêmes des enfants. Et j'ai eu envie d'avoir des enfants très tôt. C'était compliqué. Il nous a fallu beaucoup d'années pour arriver à accueillir ces enfants. Et c'était une part très, très importante de ma vie. Hein, ce moment, l'accueil des enfants, la vie avec ses enfants, etc. Voilà, et dans mon. Et alors après ça, mon métier, c'est-à-dire je suis gestalt-thérapeute, et c'est aussi quelque chose de vraiment qui très important dans ma vie maintenant. Gestalt-thérapeute un peu âgé maintenant, et voilà comment c'est tout un. En ce moment, je cherche comment je peux continuer à être en travaillant un petit peu moins, autrement, etc. Donc, c'est tout. Voilà, ça fait partie aussi de ce que je suis. Comment je peux. Je n'ai pas du tout envie de m'arrêter brusquement. En même temps, comment je peux m'arrêter ou diminuer en restant vraiment. Voilà, en restant en vie, voilà, c'est ça, c'est quelque chose de là, c'est ce qui m'active en ce moment. Voilà. Tes qualités. Voilà, mes qualités. Mes qualités. Je repense à. C'était au moment où je me formais à la Gestalt. J'ai regardé un petit peu que j'avais pensé à mes qualités, etc. Je pense que il y a quelque chose de rebondir, quoi, qui est assez important, je crois. C'est-à-dire, je suis prête à quelque chose d'un petit peu imprévu, et ça va aussi avec, j'aime pas la routine. Quand il y a de l'imprévu, comment je peux réinventer quelque chose, m'ouvrir à l'imprévu, ouais, ça c'est une qualité que j'ai. Je pense aussi dans mes qualités, l'accueil des différences. Enfin, vraiment, ça va encore avec la même chose. Si tout le monde était pareil, cette normalité qui quelquefois nous rattrape socialement et aussi dans le travail de thérapeute, c'est quelque chose de... J'aime beaucoup les différences, accueillir les différences, etc. C'est quelque chose d'assez important pour moi aussi. Voilà, et qu'est-ce que j'ai comme qualité? Je pense une bonne écoute, une présence, quelque chose de... Voilà. C'est ce qui me vient en premier. Hein. Bon, ben, s'il y en a d'autres qui te viennent, tu sais, tu pourras toujours revenir sur chacune des questions en disant, oh, ben, moi, j'ai ça qui me vient. Tu parlais de ton âge, je ne t'ai pas demandé ton âge. Est-ce que tu peux nous le partager? J'ai 72 ans. Oui, c'est l'étape des 70. J'avais du mal à dire que j'avais 70 ans. Je riais avec. Je disais, j'arrive dans les 7.0, 7.0, etc. C'était ouf, un drôle de saut. Oui, et... justement, j'allais demander comment tu vis cet âge maintenant. Comment ça a été pour toi? Comment c'est là maintenant d'être une femme avec ton expérience? C'est pas si simple. C'est drôle, hein, j'ai eu beaucoup de mal à avoir 50 ans, c'était vraiment terrible le passage des 50 ans, l'impression d'arriver, tu sais, en sociologie, on fait des enquêtes sur les ménagères de moins de 50 ans, etc. Ça y est, je ne suis plus dans les ménagères de moins de 50 ans pour les enquêtes, c'était terrible. Oh oui, il y a la carte vermeille aussi. Alors que les 60, ça s'est bien passé. Et là, 70, waouh, j'ai un tas de collègues et amis, j'ai des amis dans l'enseignement, puisque j'étais prof quand même un bon moment, j'ai de très bons amis qui étaient enseignants, qui ont pris leur retraite à des âges habituels, et moi, je n'ai pas envie de prendre ma retraite, et en même temps, je sens un petit peu, je peux sentir des fatigues, hein, des fatigues avec en ce moment, en plus la période en ce moment, des fatigues avec la visio, des fatigues, etc. Je me dis, il y a aussi mon âge. Hein. Et je suis un peu aux prises avec ça en ce moment. Je suis en plein dedans, là, c'est la question. Je suis en plein dedans pas me débattre, mais à... Bon, comment je peux continuer à... Voilà, à vivre, à bien vivre avec qu'est-ce que je continue, est-ce qu'il y a des choses que j'arrête, etc. Je suis vraiment là-dedans. Oui, c'est vraiment l'angle professionnel, en fait, là, qui apparaît. Totalement. Ouais. Mais pas que, je pense aussi, bon, voilà, c'est aussi à partir de l'angle professionnel, mais ça m'active pas mal aussi, la sexualité d'une femme de mon âge et toutes les représentations qu'il peut y avoir, qui bougent pas mal en ce moment. Hein. J'avais beaucoup apprécié le livre de Marie de Henzel, comment elle appelait ça, après 60, les 60, je ne sais plus le titre. Mais enfin, je ne l'ai pas lu, je ne connais que son livre l'amour, sur... L'amour des 60 ou l'amour après 60 ou quelque chose comme ça. Même si bon, je ne partage pas forcément toutes ses idées, mais elle avait ouvert quelque chose qui était vraiment dans l'air du temps. Il y a déjà bien une bonne dizaine d'années qu'elle a écrit ça. Et vraiment, oui, même si ça a beaucoup bougé... Bon, moi, je suis aussi d'une génération où on disait, après la ménopause, c'est terminé, quoi, il n'y a plus de sexualité. Bien sûr, tout ça, c'est vraiment dépassé, mais j'ai entendu ça. Et bon, donc moi, ça me semble très important pour moi-même déjà, mais aussi pour les gens que j'accompagne, pour les... Ben oui, ça continue. Ça continue, peut-être pas de la même façon, mais ça continue. Et je pense que ce genre de réflexion, de témoignage sont super importants, à la fois pour nous, les femmes plus jeunes, et aussi pour nous, les femmes thérapeutes qui vont accompagner d'autres femmes sur ce chemin-là et de la transformation. Donc, du coup, je pense que c'est très intéressé par ce que tu dis et ce que tu vis. Et... capacité à faire l'expérience soi-même et sortir de nos représentations C'est dans, ouais, dans cette ouverture. Du coup, ça m'amène à la question qui est, comment tu vis ton genre, mais la question de la sexualité, et je crois que de notre représentation, de notre sexualité, nous les femmes, du coup, moi, je trouve que ça, il y a un lien aussi avec comment on se voit comme femme. Donc, du coup, comment vis-tu ton genre, Naïf? Oui, je me sens très bien dans mon genre. Et en même temps, j'aime beaucoup chercher, réfléchir autour de tous ces questionnements et autour de, bah tiens, depuis pas mal d'années, j'étais troublée par des personnes qui étaient en transition ou qui se sentaient vraiment pas dans le genre de départ, etc. Alors, il y a des années, ça me troublait, en même temps, ça m'attirait. Et maintenant, je suis vraiment. Il y a vraiment beaucoup d'évolution actuellement, et j'aime beaucoup toute cette réflexion sur le genre et sur les personnes qui se trouvent dans une fluidité de genre. C'est pas mon cas, mais j'aime vraiment bien tout ce qui s'ouvre en ce moment sur cette question. Tu aimes la liberté que ça peut procurer, tu aimes la nouveauté que ça peut amener, ou comme tu dis, tu disais, tu aimes, tu es toujours, tu t'ennuies, alors tu aimes bien te stimuler par quelque chose de nouveau, c'est parce que la question te vient te stimuler que tu aimes bien ça. Pas seulement parce que j'ai vu aussi des personnes qui ont été en grande souffrance. Et aussi en grande souffrance, aussi amplifiée par le regard aussi des thérapeutes, hein. Moi, quand je me suis formée en sexologie il y a déjà très longtemps, on parlait du transsexualisme comme étant une pathologie assez lourde, avec bien sûr, on y travaillait, etc. Mais ce regard très pathologisant m'a beaucoup marquée. Et j'aime beaucoup en ce moment quelque chose qui sort justement de la pathologie. Voilà, je crois que c'est un fil directeur, j'ai dit au début, hein, moi, toutes ces questions de normalité m'ont beaucoup accompagné. Moi qui travaille beaucoup sur le thème de la sexualité, j'ai fondé une école, hein, de sexothérapie. Je suis très, très marqué, intéressé par ces questions, par tout ce qui touche autour de la normalité. Et c'est vraiment aussi dans mon enseignement, c'est quelque chose de très très important pour moi. Comment est-ce qu'on est rattrapé ou non? Parce que chacun de nous, on peut être rattrapé par des questions de ce genre sans s'en rendre compte. Et moi, j'accompagne beaucoup de couples. La question de la normalité ou est très présente. J'ai pas de désir, c'est pas normal, enfin, etc. Tu vois, donc ça revient aussi sur le genre aussi, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a des événements, ou s'il y en a, quels sont les événements qui t'ont marqué, qui t'ont aussi façonné? Les événements, oui. Ou un ensemble des circonstances qui ont vraiment eu un impact sur toi, qui ont contribué à être la personne que tu es aujourd'hui. Peut-être qu'ils t'ont demandé de la ressource aussi. Ben, moi, je pense aussi, oui, l'arrivée de mes enfants a été des événements qui très très joyeux, très, mais qui en même temps m'ont ouvert vers la thérapie, c'est-à-dire c'était pendant la préparation. Je suis allée à la maternité d'Ilila, qui à l'époque était très connue pour l'ouverture de la naissance sans violence, etc. Bon, et j'étais ravie grâce à l'arrivée des enfants, j'ai pu vraiment aller dans une dynamique de recherche sur moi aussi. La préparation à la naissance était vraiment intéressante, et c'est un peu par la préparation à la naissance que j'ai eu une ouverture vers toutes les approches à l'époque de bioénergie et ils avaient inventé une préparation à la naissance avec ce regard-là qui m'a beaucoup, beaucoup plu déjà pour préparer les naissances. Et je me suis dit, mais tiens, ça m'intéresse vraiment. Et tiens, un petit peu plus tard, quand mes enfants seront là et que j'ai un petit peu avancé en âge, mais j'ai pas tellement entendu d'ailleurs, hein, ma plus jeune fille Anna avait 2 ans, que j'ai entrepris un travail. Je suis allée travailler en bioénergie et ça a commencé tout un chemin qui a abouti après sur la formation. J'ai décidé de me former non pas en bioénergie, mais en gestalt thérapie. Et je pense que le déclenchement, c'est ça. Donc, c'était pas douloureux, c'était plutôt quelque chose qui a vraiment ouvert vers un travail sur moi, une nouvelle profession, enfin, vraiment. À partir de l'arrivée des enfants, c'est assez fort quand même. Ah oui, c'est fort. Ouais. Alors après, des événements plus difficiles qui n'ont pas forcément façonné ma vie. Bon, il y a eu la séparation avec le papa de mes filles, enfin, qui était un moment très, très difficile. Bon, les ressources, c'est comment... ça a été là aussi tout un chemin, c'est-à-dire de rester couple parental, c'est-à-dire alors même si il y a toute une phase un petit peu délicate, mais on a retrouvé une relation suffisamment bonne de couple parental, on va dire. Maintenant les enfants sont adultes, mais voilà, donc ça aussi c'était un travail important pour moi, vraiment. Alors après ça, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme événement? Il y en a eu tellement. Mais oui. Tellement. Ben professionnellement, il y a eu quand j'ai commencé à travailler en gestalt. Enfin, je me suis formée à la gestalt. Je me suis formée à la gestalt. D'abord avec Noël Salaté, qui a été vraiment, vraiment très important pour moi, qui a été d'abord mon thérapeute, puis ensuite, quelques temps après, il a créé une formation où il n'y avait pas que la gestalt, hein, une formation avec plusieurs approches. Donc, je me suis formée avec Noël, ça a été un très grand moment. Ensuite, j'ai eu envie d'aller me former ailleurs. Je me suis formée pour avoir un autre style, pour pouvoir rechercher mon style, en fait. C'était un petit peu mon idée. Et je me suis formée à l'EBG. Donc, ça m'a donné vraiment ça m'a permis vraiment d'aller chercher. Et moi, ça va être quoi, mon style? Parce que mon choix de la gestalt, en fait, était assez particulier. J'avais commencé à me former en bioénergie, moi, après mon premier travail en bioénergie. Et puis, j'avais l'impression que les bioénergéticiens étaient tous pareils. Et ça ne m'allait pas. Il y avait quelque chose qui ne m'allait pas. J'avais l'impression de rentrer dans un moule. Je pense que ce n'est pas complètement vrai. Mais ceux que j'ai rencontrés à l'époque, enfin, puis c'était mon expérience, je me disais, mais j'ai l'impression de rentrer dans un moule et je n'ai pas du tout envie de rentrer dans un moule. Et je suis allée à un congrès de gestalt. Je m'en souviens encore. Ça s'appelait « Sur les chemins de Crète ». Et c'était il y a fort longtemps, hein. Donc il y avait les grands dinosaures de la gestalt, on va dire, à l'époque. Donc il y avait Noël Salaté, il y avait Serge Gingère, il y avait Jean-Marie Robine, il y avait Marie Petit, je me souviens surtout de ces quatre-là. Et de faire ces quatre rencontres et de les entendre parler de la gestalt et de leur travail, c'était tellement différent que je me suis dit, ah, c'est génial, là au moins il y a de la place. Puisque ces quatre personnes, j'ai vraiment entendu, j'ai beaucoup apprécié ce qu'ils pouvaient nous dire, je me suis dit, bah, c'est bien ça. Il y a donc la place pour son style. Et c'est comme ça que je me suis formée à la gestalt et que j'ai eu envie en plus, en me formant, d'aller me former avec Noël. Et puis après ça, d'aller aussi à l'EPG. Et à l'époque, c'était Serge et Anne Gingère, les formateurs. J'avais vraiment envie d'aller les rencontrer et puis de tout ça pour trouver mon style à moi. C'était tout un chemin. Je ne suis plus sur ta question, Mais mais c'est bon. formidable, tu as répondu à une autre question, mais c'est parfait, qui Oui. était comment tu es venu à la Gestalt? Ben voilà, tu as devancé Oui. une de mes questions, mais c'était à propos des personnes qui t'ont influencé. Donc sur ce chemin-là, tu as rencontré la Gestalt avec une personne, par exemple, comme Noël. Est-ce que c'était vraiment une influence? Là, tu parles de rencontre. C'est vraiment des personnes qui ont modifié ta façon d'être, toi, en tant qu'être humain. Est-ce qu'il y a eu des personnes dans ta vie qui t'ont vraiment... Je repense à Noël parce que Noël, je l'ai rencontré. Noël, je faisais une maîtrise en sciences de l'éducation à Saint-Denis qui était orientée sur les thérapies. Hein, et le formateur, qui était Philippe Rouher, qui est connu aussi Ah dans le domaine de la oui. Philippe faisait donc animer ce séminaire de maîtrise et il faisait venir différents thérapeutes pour parler de leur travail. Je trouvais ça très très bien, très intéressant. C'était une époque où vraiment je me nourrissais de ces rencontres et des différences. C'était très important pour moi ça. Et dans les différents thérapeutes qu'il a fait venir, il a fait venir Noël. À ce moment-là, leur école n'était pas encore créée. Et Noël est venu, Noël Salaté est venu, il arrivait. Il était en France depuis pas très longtemps, hein. Il avait été aux USA avant. Et de le rencontrer, je me suis dit, waouh, mais ça, mais moi, je cherchais justement un thérapeute. Je me dis, mais moi, j'ai envie de faire une thérapie avec lui. Et donc, je l'ai rencontré d'abord pour faire une thérapie. Et c'est drôle, la première rencontre en thérapie, je me disais en même temps deux choses. Je me disais, oh, j'aime pas comment il travaille et c'est avec lui que je veux travailler. Il y avait ces deux choses en même temps qui étaient très très forts. En fait, moi qui étais plutôt habituée à un travail en bioénergie, très corporel, etc., etc., il m'a amené sur un autre terrain. Alors, je disais, j'aime pas comment il travaille, c'est plutôt qu'il me Tu perturbait. bousculais. Me bousculer en fait en allant complètement ailleurs, mais c'était vraiment avec lui que je voulais faire ce chemin. C'est drôle, et cette bousculade, cette façon de regarder autrement m'a été très importante dans ma formation, quoi. Et après, donc, quand je suis allé, bon, je me suis en, quand il a donc créé cette formation avec Philippe Grover et puis un psychanalyste, ils étaient trois. Quelques années après, j'ai vraiment eu envie d'aller le rencontrer comme formateur. Et c'était hyper intéressant. Et je vois, tu vois, hier j'avais un groupe de supervision, mais il m'arrive très souvent de reparler de lui, de reparler. Enfin, ses enseignements sont vraiment encore là, alors que je peux avoir un style très différent de lui, c'est évident, comme thérapeute. J'ai bien vu son style, puisque je l'ai eu comme thérapeute, je suis très différent. Et en même temps, très nourri par son côté, il avait toujours des cadres à proposer, des expérimentations, il avait prévu des choses. C'est très, très nourrissant pour moi. Je me souviens que moi, quand j'étais étudiante, à l'EPG aussi, je me souviens de quand on a abordé la question des questions existentielles et de la thérapie existentielle. Toi, tu parlais de la sexualité comme une contrainte existentielle. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça vient, cette question sur les contraintes existentielles et ton approche de la sexualité, est-ce que c'est lié à ça, cette influence, ou c'est Mais oui, différent? mais oui. Oui, c'est-à-dire que en fait, j'ai été très influencé donc par la thérapie existentielle, parce que ce que Noël Salaté développait. Et après ça, quand je me suis beaucoup intéressée une fois à l'EPG, c'est-à-dire je me suis formée à l'EPG, et puis quelque temps après, on m'a proposé d'animer des groupes continus et puis d'être dans la formation. Je me suis beaucoup intéressée au thème de la sexualité, je pourrais en parler un petit peu plus, mais et justement, je me disais, tiens, j'étais très marquée par ces données existentielles décrites par Noël, qui me marquent pas mal dans mon travail. Et en même temps, je me disais, tiens, et la sexualité là-dedans, il n'en parle pas. Et, de toute façon, ça a été mon problème avec la Gestalt au début, c'est-à-dire la Gestalt. J'ai rien trouvé qui parlait de sexualité dans la théorie de la Gestalt. C'était donc au début j'ai un petit peu ramé pour dire ben tiens maintenant je commence à rencontrer des personnes dans d'autres pays. J'ai discuté avec des Italiens qui parlent de Gestalt, etc. Mais au départ rien n'était écrit là-dessus. Donc j'ai commencé à réfléchir et cette idée de la sexualité comme sixième donnée existentielle, je dirais, c'est un petit peu moi qui l'ai inventée. En fait, dans une journée au départ, j'ai fait un atelier dans une journée de la Société française de Gestalt. Hein, on faisait des journées avec des ateliers. Et je me suis dit, tiens, après tout, pourquoi on ne pourrait pas regarder aussi la sexualité comme une donnée existentielle, peut-être pas au même niveau que les autres, mais en fait. Fondamentalement, nous sommes sexués. Après ça, ce qui est vraiment différent suivant les personnes, c'est qu'est-ce qu'on fait du fait qu'on est sexué. Et alors, on peut aller vers une sexualité très abondante, à pas de sexualité, etc. Enfin, il y a plein de variétés après. Et j'ai trouvé que, voilà, qu'on pouvait nommer. J'étais très contente de contribuer un petit peu à la recherche de Noël, on va dire, en rajoutant ma pierre sur le thème de la sexualité. Et c'est vrai que... Oui, pardon, parce que oui. Je t'en prie. Vas-y, vas-y. Non, continue, je t'en prie. Je disais, oui, ce thème de la... Tu m'amènes sur le thème de la sexualité, c'est vrai que ça a été aussi un grand axe dans ma vie professionnelle qui est arrivé donc là... Au démarrage, quand j'ai commencé à travailler à l'EPG, j'ai commencé à animer un groupe continu, puis j'ai animé dans le deuxième cycle, et Serge et Anne Gingère avaient proposé des stages sur le thème de la sexualité et m'ont proposé d'en reprendre un. Eux, ils étaient en train de diminuer leur activité. Et c'est un petit peu comme ça que j'apprends la nouveauté, moi. C'est vraiment par l'expérience. Hein. Et ben j'ai expérimenté d'animer ce stage, ça m'a beaucoup intéressé. Après, j'en ai fait d'autres. Après ça, du coup, j'ai écrit un livre. Après ça, les personnes viennent, voilà, ça de plus en plus m'en parler, etc. Et de là, j'ai eu envie de créer cette petite école de sexothérapie en faisant des liens entre la sexologie et la gestalt. Mais tout ça, c'est au départ par l'expérience. Et c'est pareil, le métier de gestalt-thérapeute, c'est parce que au départ, mon thérapeute bioénergéticien m'a dit, après tout un moment de thérapie, etc., m'a dit, est-ce que tu voudrais être assistante dans mon groupe? Et je dis, bah tiens, merci. Voilà, et j'ai été assistante dans son groupe. Puis, en étant assistante, je me dis, mais pour finir, ce métier est intéressant quand même, hein, alors que je n'y avais pas pensé au départ. Donc, c'est marrant, hein, la thérapie, l'idée de faire une thérapie est arrivée par la préparation à la naissance. L'idée d'être thérapeute est arrivée par quelqu'un qui m'a proposé d'être assistant dans son groupe de thérapie. Et je me dis, tiens, toutes ces ouvertures, il y a aussi des personnes sur le chemin, quoi. Oui, c'est extraordinaire. Et je trouve extraordinaire que tu sois arrivée à la thérapie avec la naissance. Donc, oui. Par la sexualité, en fait, cette vie, et que ce soit justement quelque chose qui soit devenu un peu, enfin, carrément ta spécificité et autour duquel tu as développé ton style. Oui, c'est intéressant tout ce chemin. J'avais même pas relié avec le démarrage, avec la naissance de mes filles. Et du coup, je me disais, qu'est-ce qui t'attire le plus, finalement, qu'est-ce qui t'a attiré, mais ou qu'est-ce qui continue à t'attirer, que tu trouves vraiment très important dans la gestalt, puisque justement, tu as une grande expérience, une grande ouverture. Qu'est-ce qui, pour toi, est la spécificité, ou en tout cas celle que toi, te paraît primordiale, nourrissante ou... C'est vraiment cette idée de créativité, enfin, quand on parle d'ajustement créatif, ça me paraît vraiment fondamental. Cette idée de créativité qui va aussi avec je déteste la routine, tu vois. Oui. Je trouve que dans la gestalt, je trouve peu de routine, c'est-à-dire vraiment on crée quelque chose avec notre client, ou bien et voilà, qu'est-ce que, et un petit peu quand je travaille avec quelqu'un, je suis vraiment attirée par, tiens, est-ce qu'il y a de la nouveauté dans ce qu'on est en train de faire tous les deux? Ah oui. Et je crois que c'est vraiment première fois que c'est une des choses les plus importantes pour moi. Et tu vois, bon, là, c'est au niveau de mon travail de chien thérapeute. Maintenant, je suis plutôt dans les. J'accompagne plus tellement en thérapie individuelle, mais plus des couples. Ouais, je fais plus de la, je fais de la supervision. Et puis, au niveau thérapeutique, j'accompagne des couples. Et cette idée de la nouveauté aussi dans la dynamique de couple, quand ils viennent en thérapie et qu'ils sont peut-être dans une période de. Souvent dans une période de crise, ou bien quand ils viennent me voir aussi, ça peut être tout va bien, mais la sexualité est un gros problème entre nous, par exemple. Le travail qu'on fait, je m'aperçois qu'il est orienté vers bah tiens, une fois qu'on a repéré les endroits qui coincent, etc., comment est-ce qu'on va pouvoir mettre de la nouveauté? D'ailleurs, ils viennent souvent avec cette idée-là, comment mettre de la nouveauté dans notre couple, ou comment se réengager ensemble si on. Voilà, on va voir ce que la crise donne, mais au travers de la crise, si la sortie, c'est tiens, est-ce qu'on peut faire du nouveau ensemble et se réengager sur quelque chose de nouveau? Mais cette idée de nouveauté, de mettre de la nouveauté, oui, ça me paraît être. J'aime beaucoup la question, tu vois, je suis en train de réfléchir parce que je me dis que dans ma pratique. Je vais garder ce que tu es en train de dire en disant est-ce que je fais de la nouveauté ici et maintenant avec cette personne que j'accompagne. J'avais jamais regardé, je ne m'étais jamais posé la question comme ça. Évidemment que c'est à la fin, c'est ce que c'est la visée, mais de le regarder consciemment comme ça, je trouve que c'est super en fait. Ouais, c'est. Ouais. C'est intéressant de se poser pour soi, mais aussi de le poser à la personne, c'est-à-dire il y a aussi des moments où il y a besoin hein, d'aller revoir et revoir et revoir encore les. Mais si à un moment la personne dit waouh, il y a quelque chose de nouveau là, tiens, on peut fabriquer du nouveau, c'est oui, ça me semble être une piste de. Oui, vers la suite. Oui, c'est ça, de le nommer comme tel. Moi, c'est toujours implicite pour moi et je ne le partage pas forcément. Quand tu le dis comme ça, c'est aussi pour moi, ça engage la responsabilité de la personne qui est en thérapie ou du couple, j'imagine, qui est ensemble. On se met en mouvement ensemble, c'est-à-dire, ah bah tiens, on est dans quelque chose peut-être un peu routinier, un peu immobile, un peu confortable ou peut-être qui risque de ne plus l'être. Et de le nommer et de le nommer, rien que ça amène de la nouveauté en plus. Ça me rappelle, j'ai fait qu'un seul stage avec les Polsters. Et Myriam. Mais je me souviens de ça. Je me souviens qu'il disait beaucoup. Et le pas suivant, c'est quoi? Oublié, j'ai eu un moment de travail avec lui d'ailleurs, qui avait été très fort pour moi, mais c'était le principal de ce que je voyais, c'était tiens, and the next, le pas suivant, quoi. Mais écoute, c'est super parce que tu m'amènes la question qui était un de tes souvenirs les plus forts de la Gestalt thérapie, dans ta thérapie à toi, et aussi toi en tant que praticienne, d'un point de vue théorique ou formatrice, hein, est-ce que tu as. C'est quoi? Parce que là, tu amènes ça. Oui. Alors, moi, dans ma thérapie à moi, je pense que les souvenirs les plus forts sont plutôt en groupe, des moments de groupe où j'ai des souvenirs à partir de. Alors là, c'est plutôt dans le début. Alors c'est marrant, ce n'était pas en Gestalt. C'était avec mon bioénergéticien du début. Je me souviens, je n'en revenais pas, c'était dans les premières séances. Et on était allé avec, on était un petit groupe et la salle de thérapie était chez lui en lointaine banlieue et on était allé déjeuner dans un petit bistrot de la ville d'à côté et j'avais j'avais mangé une religieuse le midi comme dessert, il y avait une religieuse. Et je reviens l'après-midi, je prends un temps de travail, puis j'arrivais pas à digérer la religieuse. Et bingo, je suis arrivé je ne pensais pas que ça allait arriver là, des souvenirs très, très violents de ce que j'ai pu vivre. J'ai été en pension chez des religieuses, justement, dont certaines un peu sadiques. Et j'ai pratiquement vomi mes religieuses. Voilà, j'ai dit, ça passe pas la religieuse. Et je me souviens, c'était en même temps très fort de retrouver tous ces souvenirs assez violents. Et en même temps, on rigolait, le groupe était plié de rire, parce que je sais pas, enfin, je devais être drôle, je ne me rendais pas compte, parce que j'étais là, bah oui, puis en plus, j'en ai mangé une ce midi. Alors, moi, ce souvenir-là, d'abord, c'était mes premiers pas en thérapie, de m'apercevoir qu'on pouvait rigoler et que c'était quand même très fort. Cette alliance, tu vois, et en fait, je m'aperçois que dans ma pratique, j'ai beaucoup animé des stages sur le thème de la sexualité, en particulier à l'EPG pendant des années. Et je me souviens que c'était des groupes où il y avait, et je trouvais que ça faisait une force, il y avait en même temps des choses dramatiques qui se disaient, des abus, des violences sexuelles, etc., qui se partageaient. Et en même temps, il y avait beaucoup de rire aussi. Pas forcément à ce moment-là, mais et cette alliance de on peut rire, il y a aussi, c'est aussi un thème où on peut rigoler à certains moments, mettez, tu vois, quelque chose de waouh, quelque chose d'une énergie vitale qui me semble fondamentale et dans la sexualité et dans la vie, hein, cet élan qui fait aussi un petit peu quelque chose, quand je parlais de mon style tout à l'heure, quelque chose de fort avec un élan vital que j'aime bien laisser paraître et partager. Et voilà. Communiquer. Communiquer, oui. Donc ça, c'était un moment fort de ma thérapie. Après ça, il y en a beaucoup d'autres aussi avec des moments où j'ai beaucoup apprécié des temps qui ne sont pas forcément dans tous les styles de Gestalt, mais que j'ai pu connaître avec certains de travaux régressifs pour moi-même, c'est-à-dire d'aller dans des zones de conscience modifiées. Ça, je pense que c'est des grands souvenirs et ça a influencé aussi ma pratique parce que je peux aussi le proposer bah, très souvent, ce n'est pas majoritaire dans ma pratique, mais ça fait partie de ma pratique aussi, ce qui n'est pas le cas de tous les gestalt-thérapeutes. Il y a vraiment là, je pense qu'on est assez différents dans nos styles. Oui, là c'est Et c'est. aussi ouais, ton expérience, ta spécificité, tes années de formation, en fait, tout ce fond que tu as pu accumuler, que tu peux proposer, enfin, que tu as à ta disposition. Et un souvenir qui t'a demandé de. Pardon. Oui, Pardon. vas-y. Non, J'étais vas-y. en train de voir aussi, d'après ça, des souvenirs comme thérapeute, alors là, comme animatrice de groupe, ou comme il y a quand même des grands moments. Il y a des très grands moments. Je me souviens d'un homme qui était dans un groupe continu que j'animais avec Serge Jagère à l'époque, et j'en avais peur. J'en avais peur. Il était. Enfin, j'étais un peu. Peur, pas peur physique, quoi, mais c'était quelqu'un qui était pré-psychotique, on va dire, hein, qui était. Ouh là là, je me dis, mais comment je peux. J'avais surtout peur de ce que je pouvais faire avec lui, je me dis. Et je me souviens quand on faisait des sous-groupes de temps en temps, et après j'avais partagé avec Serge, bah, tu sais, quand on fait un sous-groupe, moi je me dis, pourvu que cet homme aille avec toi. Et il m'a dit, mais tu sais que moi, je suis en train de me dire, pourvu que cet homme aille avec Brigitte. Et ça avait été très bon. Très narcissisant déjà, parce que je me disais que j'étais un petit peu un bébé thérapeute à l'époque, et animer un groupe avec Serge Gainsbourg, ce n'était pas si facile. Je me disais, waouh! Et qu'il puisse partager ça, qu'en fait, il n'était pas à l'aise aussi avec cet homme, ça avait été un très grand moment. Oui, quelle confiance il te faisait, quelle reconnaissance de ta valeur et de la sécurité, malgré tout ce que tu pouvais imaginer, que lui, il pouvait t'imaginer en train de pouvoir travailler avec cette personne en sécurité. Oui, puis j'ai eu des souvenirs aussi. Alors là, on parlait, je dis, j'avais pas de peur physique, mais là aussi un autre homme en groupe qui pouvait avoir des accès assez forts de violence. Et je me souviens d'un moment où en fait il avait osé. Je ne vais pas donner des détails trop précis, mais de toute façon, c'est très ancien et pour pas qu'il soit reconnu, il sera pas reconnu, je ne pense pas. Il avait fait des avances, il avait écrit une lettre à une des femmes du groupe dans l'intervalle. Elle n'avait pas du tout apprécié. Et il revient en groupe et il commence à en reparler et elle envoie un peu péter. Pff, là, là, là, là, c'était un peu chaud. Après ça, on était en sous-groupe. Heureusement, il n'était pas dans le même sous-groupe où j'avais peut-être assisté auprès de la femme en disant ce serait peut-être mieux que tu ailles dans l'autre sous-groupe. Et alors là, il commence et avec une violence extrême. Mais je vais la tuer. Mais je crois que je vais la tuer. Alors et moi, je disais. Tu as envie de la tuer, mais tu ne vas pas la tuer. Tranquille et tout. Mais à l'intérieur, tranquille, bof, bof. Et je sentais, je lui dis, moi, je te propose peut-être de symboliser ici, de prendre un objet. Il me dit, je vais prendre ton pull. Oh là, je prends ton pull. Et alors, il commence à s'approcher du pull. Et c'était extrêmement violent. Bon, c'était le pull, heureusement. Et je voyais, en fait, ce qui a été aussi très fort, bon, je voyais les hommes du groupe parce que, qui commençaient à regarder. Moi, j'avais regardé, est-ce qu'il y a du monde quand même pour le contenir, parce qu'il était en plus très fort. Et ils commençaient à s'approcher, oui, c'était le pull, mais ils s'approchaient de moi, etc. Et les hommes qui étaient là, qui se levaient pour éventuellement le contenir, bon, ça s'est bien passé. Mais j'ai trouvé là une force. Une force dans le groupe, tu vois comment je peux avoir du soutien aussi dans le groupe, comment tu vois, parce que c'était limite, il avait du mal à le passage entre j'ai envie et je fais était un petit peu ténu. T'étais sur la crête là. Ouais. Donc des souvenirs comme ça. Comment tu as fait? Finalement, il a Comment j'ai. réussi. Oui, finalement, il a réussi à rester Oui, dans la symbolisation. il a réussi. Il a mis du corps aussi, donc avec mon pull. Il aurait voulu en plus, mais là, voilà, je ne sais plus très bien, c'est assez ancien. Je pense que là, on a fait quelque chose pour qu'il puisse aussi sortir quelque chose avec le corps, mais avec l'aide du groupe, là, pour le coup, parce que moi, toute seule, je ne sais pas. Voilà, donc il y a eu des hommes qui sont mis avec moi, etc. On a fait des. Voilà. Ouf! Mais bon. Et ça, c'est des grands moments qui m'ont aussi. J'aime beaucoup travailler en groupe. Je trouve qu'il y a une ressource là très forte. Et là, avec cet homme-là en individuel, on n'aurait pas pu aller toucher des choses aussi entre son envie et l'acte, comment est-ce qu'il pouvait, son envie, là, en faire quelque chose dans le groupe, ce qui pouvait prévenir un acte, parce qu'il avait vraiment envie de la massacrer, hein, la femme, la massacrer. Parce que physiquement, je crois que je vais la tuer, me disait-il. Et je voyais bien un homme qui ne sait pas trop faire la différence entre l'envie et l'acte. Donc là, le groupe a été super important. Et vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de ressources dans un groupe. Je me suis toujours sentie, alors que je sais que des collègues peuvent avoir peur des groupes, etc. Moi, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, moi, j'avais toujours quelque chose avec peut-être avec ma contrainte de perfection. C'est-à-dire, Est-ce que je vais trouver, est-ce que je vais arriver à trouver la bonne idée avec cette personne, etc. Et en effet, ce n'est pas toujours évident. Hein. Et dans un groupe, je me calme avec ça. C'est-à-dire, oh ben, si je ne trouve pas les idées, et ben, de toute façon, il y a le groupe. Et ça m'est arrivé, moi, quelquefois, de dire, là, vraiment, avec quelqu'un, je ne sais pas, on n'y arrivait pas. Et je dis, ben, tiens, on pourrait en parler là au groupe. Tiens, on fait une petite pause à tous les deux, puis on va demander un petit peu. Et très souvent, les retours du groupe nourrissaient ce qui se passait. Ah ben oui, je n'avais même pas vu ça, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment très, très important, le groupe. Bon, il y a de la ressource, quoi. Groupe comme ressource. Ouais. Et en groupe, je m'ennuie jamais. Il y a aussi le problème de l'ennui. Je ne peux pas s'ennuyer en groupe. Ouais. Enfin, moi, je... Mais c'est vrai. Donc du coup, on était sur les souvenirs importants, les meilleurs, ceux qui ont demandé de plus de ressources. On revient à ton style, à toi, à ta pratique. Qu'est-ce que tu fais avec la gestalt du coup, hein, je vois bien, donc tu as travaillé beaucoup avec la spécificité, tu aimes travailler dans le groupe, ton style c'est réveiller l'élan vital, ramener de la nouveauté tout le temps, le nommer, tu as monté une école de sexothérapie, pardon, après avoir longtemps enseigné à l'école parisienne de Gestalt. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues. Ouais. Bon, j'ai beaucoup diminué, mais j'ai encore quelques stages, oui. Oui, pour moi, l'école parisienne de Gestalt, j'y ai passé beaucoup d'années, j'y ai vraiment mis beaucoup de cœur, et j'aurais du mal à imaginer d'en être complètement détaché. Hein, c'est vraiment... On y a passé des moments, il y a eu des moments pas simples. J'étais un moment dans l'équipe de direction, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Et il y a eu vraiment des moments assez difficiles. Et en même temps, c'est vraiment un endroit où j'ai pu me déployer, où j'ai vraiment j'ai beaucoup aimé ce parcours. Donc j'ai encore ce lien avec quelques stages et le lien avec l'équipe administrative actuelle. La semaine dernière, j'ai été apporter quelques bouquins parce que j'ai une nouvelle édition de mon bouquin, et j'étais tellement heureuse de discuter avec ceux avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, quoi. Enfin, j'ai arrêté en 2009 le travail dans l'équipe. Donc déjà, ça fait un petit moment. Mais après 2009, j'ai vraiment continué à animer pour l'EPG beaucoup. Puis là, j'ai diminué un petit peu, quoi. J'ai diminué un petit peu. Et ce qui m'a... En fait, quand j'ai arrêté le travail dans l'équipe de direction, qui me prenait plus qu'un temps plein, on va dire, hein, c'était extrêmement prenant, parce que j'avais en même temps quelques clients en thérapie, et ça, je tenais vraiment à le garder, un groupe de supervision, je voulais vraiment pas lâcher ça. Quand j'ai arrêté ça, du coup, ça fait de l'espace. Et bien sûr, l'espace s'est rempli très vite avec ce qui me passionne, c'est-à-dire, je me suis dit, ben, tiens, le thème de la sexualité m'intéresse depuis des années, j'ai écrit un bouquin, etc. Et mon rêve était justement de faire le lien entre le domaine de la sexologie, où je m'étais formée aussi, et le domaine de la gestalt. Et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de lien entre ces deux domaines, donc ça m'a donné envie de créer cette école. Et au passage, il y a quelqu'un qui avait commencé à faire des liens, quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, qui est décédé tout récemment, c'est Charles Gelman. Et Charles Gelman, oui, je pas décédé là, il y a 2 semaines ou quelque chose comme ça, 2-3 semaines. Je suis allé à l'enterrement. C'est vraiment quelqu'un que vraiment tout un parcours qui m'a bien touché et apporté aussi. Hein. C'est quelqu'un qui était très impliqué. Bon, il était neuropsychiatre et sexologue. Il a créé la société de sexologie. Cette société de sexologie où j'ai participé aussi, etc. Mais c'était lui le fondateur. Ça a été un de mes formateurs en sexologie il y a fort longtemps. Et ensuite, lui, il est venu se former à la Gestalt. Il est d'abord venu travailler en Gestalt pour... Il avait des soucis perso, il est venu, j'ai eu très peur, il est venu dans mon groupe continu. Et j'ai eu, oh, je me suis dit, mince, comment je vais faire? Est-ce qu'il va s'impliquer? Mais en fait, là, j'ai découvert un homme qui s'implique. Hein. Je viens dans un groupe continu, c'est pas pour faire beau, je m'implique. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié son humanité, son implication. Et après ça, il s'est formé à la Gestalt. Et il a eu envie de faire des liens, il a commencé, c'est lui qui a inventé le mot sexo-gestalt. Alors bon, beaucoup de gestaltistes disent oui, il avait une vue de la gestalt, pas comme on aime, etc. Peut-être, mais c'est pas ça qui m'importe. Quelqu'un qui fait des ponts, qui fait des ouvertures, moi c'est quelqu'un qui, voilà, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié sur ce terrain. Donc c'est un petit peu... oui, je veux dire, c'est un peu dans un même élan, sauf que moi je suis beaucoup plus impliquée en gestalt et beaucoup moins en sexologie, mais je suis aussi un petit peu dans la même idée de faire des ponts. Et la création de cette école à orientation gestalt est née comme ça. J'avais un petit peu de place, justement, en n'étant plus dans l'équipe de direction. Et j'ai un grand plaisir à voir que ça répond vraiment à une demande qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui se disent mais on a besoin d'être un petit peu plus formé un peu et d'être plus à l'aise sur ce terrain-là, sur le terrain de la sexualité. Ça c'est ce que tu fais ici hein, maintenant. Et oui. C'est quoi ton next? Alors est-ce que tu as des projets et ton next et ton next et ton next? Alors, attends, il faut que je l'invente, mon ex. C'est un ex, non, il a déjà commencé un petit peu. J'aime bien aussi intervenir à l'étranger. Donc là, c'est vrai que ça fait déjà, mais c'est pas tout à fait un ex parce que ça a déjà lieu. Il y a des instituts de gestalt qui m'ont demandé de venir faire ce que le AGT propose, une spécialisation sur la sexualité. Il y a un format de spécialisation sur un thème ou un autre. Donc là, ça va être annexe, mais ça a déjà eu lieu. Je vais retourner encore à Kiev, en Ukraine, dans l'Institut Gestalt de Kiev, pour faire cette formation pour les gestalt-thérapeutes. Donc ça, ça a déjà eu lieu, donc ce n'est pas tout à fait un ex, mais ça va encore avoir lieu. Et j'ai envie de garder ça, même si j'essaie de diminuer un petit peu. J'ai envie de garder cette ouverture. J'aime beaucoup aller animer à l'étranger, me confronter à des cultures différentes, à d'autres, des façons différentes de regarder la sexualité, des lois différentes aussi. Hein. Je suis allée aussi à Moscou, là, c'est assez récemment, enfin, il y a 3-4 ans. Et par exemple, sur le thème de l'homosexualité, c'est fou de voir les différences dans les pays. À Moscou, c'est pas qu'elle est interdite par la loi, c'est que sa propagande est interdite par la loi. Je ne sais pas si tu vois. C'est très intéressant de voir qu'est-ce que ça donne du coup. Ça donne que il y a des gens qui, tu vois, qui peuvent dénoncer. On peut se faire dénoncer pour il fait de la propagande, hein, il se balade dans la rue, main dans la main. Ça veut dire qu'on fait de la propagande, etc. C'est très, tu vois, de découvrir des choses comme ça dans des pays qui sont quand même pas loin de nous. C'est un peu triste, mais ça m'intéresse en même temps de voir comment la sexualité est vécue aussi. Avec la loi. Avec la loi. Oui, et comment les thérapeutes peuvent se débrouiller avec ça. Donc, ça va Oui, pardon. Non, ça y est. Je t'en prie, je t'ai coupé, s'il te plaît. Mais j'ai oublié mon. Ah mince. Comment la loi, la culture. Oui, oui, là je parlais de la loi, mais sur la culture, là c'est plutôt des plus vieux souvenirs, c'est pas du next, c'est des vieux souvenirs, mais j'ai animé aussi sur le thème de la sexualité au Mexique, il y a déjà pas mal d'années, au Venezuela, en Norvège aussi. Et alors, par exemple, sur la question des fantasmes, c'était très rigolo de voir les différences dans les fantasmes dans les différents Ah pays. oui, ah oui. Suivant leur culture, au Mexique, où il y avait à l'époque quand j'y suis allée, peut-être encore maintenant, les femmes, relations hommes-femmes n'étaient pas si simples. Hein, Malheureusement, les ça hommes, continue beaucoup. ouais, hommes un peu machos, etc., le rôle de la femme, etc. Alors qu'en Norvège, j'ai eu l'impression que les femmes, était assez puissante et que j'ai plutôt vu des hommes qui avaient un petit peu de mal à prendre leur place, au moins dans les groupes que j'avais. Et au niveau fantasmatique, j'entendais des femmes au Mexique qui avaient des fantasmes ultra-romantiques, que voilà, que les hommes venaient avec des bouquets de fleurs et oh, un truc hyper-romantique, etc. Et alors qu'en Norvège, il y avait quelques fantasmes qui étaient, je voudrais qu'ils soient là et qu'ils me prennent, etc. Et puis, je trouvais ça très, très, très drôle de voir comment c'était coloré les fantasmes par ce qu'ils pouvaient vivre, quoi, si tu Ah, c'est Mais passionnant. j'ai un peu évité ton next parce que je ne sais pas bien encore qu'est-ce que ça va être quoi mon next. Ce que je sais, c'est qu'en ce moment, pareil, dans l'école de sexo, j'y suis encore très active, mais je suis en train, il y a des formats, l'équipe de formateurs, on est en train de la renouveler, de mettre des personnes qui viennent là et qui sont plus jeunes. Et j'en suis très contente parce que ça préparera peut-être le moment où j'animerai un petit peu moins. Et déjà, un peu là, ils prennent de la place et moi, je suis encore là. Et ça, j'aime bien. J'aime bien, c'est-à-dire, mon ex, c'est d'inventer, je ne veux pas qu'il n'y ait plus rien du tout. Ça, j'aimerais pas du tout. Mais comment inventer du... Il y a des choses, mais en moins. Et un petit peu moins, quoi, tu vois. Ce n'est pas facile. Parce que le moins, ça me fait penser à... Ça va vers plus rien du tout. Je n'ai Oui. pas très envie. J'ai pas très envie. Je pense par exemple à Rosine Rochette, on plaisantait avec elle, je lui dis, toi tu mourras en scène comme Molière. Elle est plus âgée que, beaucoup plus âgée que moi, et elle a quelques problèmes de santé, de vision, etc. Elle anime encore des stages, elle se fait aider, etc. Et elle est incroyable, je n'ai pas forcément envie de faire comme elle, mais je me dis, tiens, et moi qu'est-ce que je veux vraiment? Alors, c'est peut-être pas que l'animation, si tu veux. Là, j'ai réécrit quelques articles. Ça faisait un moment que je n'avais pas écrit. Donc, ça, c'est pas mal. J'ai écrit un article pour une revue la revue de Gestalt de Milan, de l'école de Milan, justement, sur la sexualité. Ça m'a fait très plaisir. Et puis, j'ai écrit un article pour la revue du collège, là, du sexe dans nos cabinets. Donc, bon, Je moi, je me dis. viens de le prendre, donc je ne l'ai pas encore lu. J'ai très, très hâte de le lire. Ouais. C'est marrant, je l'ai pris hier. Et ça, c'est bien. J'ai toujours aimé écrire, hein, puis j'ai écrit un bouquin, j'ai refait une nouvelle édition assez complétée avec les questions de genre, justement, et plus de choses aussi sur les violences sexuelles. Je l'avais déjà abordé, mais beaucoup, pas assez, à mon avis. Donc, j'ai beaucoup développé ça. Donc, bon, c'est vrai que j'aime bien écrire et j'écris, mais peut-être que avec l'action, je prenais un peu moins de temps pour écrire. Et tiens, ces articles m'ont dit, tiens, n'oublie pas que tu peux écrire encore. Ça, c'est pas mal. J'ai un titre, hein, si Et tu puis. veux écrire un livre sur la sexualité après 70 ans, tu peux, Oui. tu sais, ex-fan des 60s, où sont tes années folles, tu sais, la chanson de Gainsbourg. Ça me plairait que tu écrives un livre dessus, j'aurais vraiment. En plus, on vit de plus en plus loin, enfin, longtemps. Donc la question de notre élan vital et de la façon dont il s'exprime, je pense que, en tout cas, moi j'aimerais, j'adorerais que tu fasses ça, hein, si jamais tu es en manque d'idées. Et sinon, dans le next, tu vois, je pensais aussi au groupe. En ce moment, j'anime, dans les groupes que j'anime en plus de la formation, j'ai un groupe de supervision que j'aime beaucoup, que j'ai, enfin, il s'est renouvelé, mais je l'ai depuis très, très longtemps. Et c'est un groupe que j'aime beaucoup, et ça, je ne pense pas que je l'arrêterai tout de suite, quoi. Hein, c'est-à-dire. Et puis, à un moment, je me disais, peut-être que j'arrête. Je me suis fait engueuler par eux. Mais il n'est pas question d'arrêter. Il y a eu quelque chose qui était très fort au niveau du groupe. Bon. Et donc, ça, je ne vais pas l'arrêter tout de suite. Et ce que je ne vais pas arrêter tout de suite, j'ai un peu diminué, mais je ne vais pas arrêter tout de suite, c'est les stages pour couple. C'est-à-dire, en plus de. J'ai créé, donc. Avec mon compagnon, on s'est rencontrés. On était trop tard pour faire des bébés. On avait la soixantaine quand on s'est rencontrés. Hein, mais bon, il est revenu sur le terrain de la thérapie avec moi. Je l'ai attiré. Il avait été thérapeute il y a longtemps, puis plutôt après dans l'entreprise. Je l'ai ramené. Je lui ai donné envie. Tu l'as ramené à la clinique? Donc voilà, il a fondé avec moi. École de sexothérapie et puis avec des autres collègues. Ça, c'était. Et aussi, on a créé. Alors, notre premier bébé, ça a été, avant l'école de sexo, ça a été de créer les stages pour couple sur le thème de la sexualité. Donc, ça, c'était notre bébé. Donc, là aussi, c'est un bébé, j'ai envie de continuer. Donc, il y a certains stages que je vais plus animer, que je vais passer à d'autres, mais je vais continuer à en animer quelques-uns. J'adore les stages couples. C'est vrai que c'est. J'aime bien le travail de couple. C'est marrant. J'ai pas du. Au début de ma pratique professionnelle, j'aimais pas. Je disais, ça m'embête. J'allais dire même un gros mot, ça m'embête. Les dynamiques de couple, ça m'embête. Je pense que j'avais des problèmes dans mon couple actuel à l'époque. Bon. Et puis, à un moment, j'en ai accueilli un quand même. Et puis, comme ça, je ne sais plus ce qui m'a pris. Il a réussi à passer la porte quand même. Et puis, je me suis dit, mais tiens, mais ça a enlevé mes présupposés que ça allait être embêtant, etc. Et j'ai trouvé ça d'être au service, non pas d'une personne, mais d'un système, d'un couple, j'ai trouvé ça super intéressant. Et là aussi, je ne m'ennuie pas dans les séances de couple, hein, il se passe toujours quelque chose, quoi. C'est, à mon avis, vraiment, ça peut être très vivant, même si un couple arrive en montrant comment leur vie est éteinte. On fabrique quelque chose avec ça, quoi. Il y a vraiment. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le travail de couple. Donc maintenant, pour essayer aussi de diminuer, je reçois quasiment plus en individuel, mais je reçois des couples et j'anime les stages couples. Et c'est vraiment. J'aime beaucoup ça. C'est-à-dire avec l'idée aussi que sur le thème de la sexualité, j'aime beaucoup les envoyer en exploration. Et maintenant, ça peut être comment pour nous, maintenant qu'on a un peu regardé tout ce qui fâche, etc. Et je leur propose de devenir s'explorateurs. S'explorateurs, voilà. Et ça les motive pas mal. C'est-à-dire, mon système, aussi bien en stage qu'en thérapie de couple, c'est de leur proposer d'explorer des choses entre les séances. C'est-à-dire, je les invite à. Voilà, on construit ensemble, soit ils ont des idées, soit je les invite à inventer des choses qu'ils expérimentent, et puis voilà, de partir en exploration de leur sexualité. Ça donne un côté moteur, hein, parler de l'élan vital, tu vois, j'aime bien les mettre en action, quoi. Oui, j'avais le mot de réanimation aussi qui me venait quand toi tu redonnes du souffle, il y a vraiment quelque chose avec la vie, le souffle, la réanimation. ces mouvements aussi de rien, puis après, tu vois, c'est ça qu'on expérimente plus on vieillit, hein, c'est qu'il y a des moments comme ça, puis ça fait ça, puis ça fait ça. Tu es au début de redonner, se redynamiser, remettre en mouvement. C'est chouette, ouais, c'est vraiment, j'aime bien comment tu racontes. Et ça, ça me fait penser, peut-être c'est pas tout à fait le même thème, mais c'est lié à l'importance de l'agressivité pour moi, la saine agressivité. Particulièrement dans la sexualité, c'est un de mes dadas. Et c'est, je crois vraiment que cette réhabilitation de, pas de la violence bien sûr, mais de l'agressivité, et ça dans les couples, ça vient extrêmement souvent. Extrêmement souvent. Je pense à un couple très récemment où c'était un couple hétéro, lui avait complètement inhibé son agressivité par peur d'être violent. Et en fait, ils sont venus en me disant « ça va pas bien notre sexualité », lui disant « j'ai des problèmes d'érection », etc. Et il avait été voir, il n'y avait pas de problèmes médicaux parce qu'il devait avoir des problèmes physiologiques. Et en fait, c'était complètement une rétroflexion de son agressivité. Et il m'a dit que quand il était petit, on lui avait toujours dit « mais toi, t'es violent, il faut qu'on te cadre, il faut qu'on te canalise ». Et il avait complètement bloqué cette énergie par peur d'être violent avec sa compagne. Donc, et ça, je donne cet exemple qui me revient, mais j'en ai énormément, énormément. Mais ça nous renvoie à la... Oui, c'est ça, à la théorie Gestalt, hein, l'importance de l'agressivité, qui est un peu une spécificité de la Gestalt-thérapie, l'importance qu'on lui donne. Toi, tu t'en sers beaucoup. Je m'en sers beaucoup. Quand tu parles d'élan vital, c'est du même ordre. Hein. C'est la saine agressivité, ça, qui est dedans. Et je crois que c'est vraiment au cœur de mon travail, spécialement dans la sexualité, mais pas que, puisque je te parlais de l'importance de l'élan globalement, hein, à avoir avec ça. Et est-ce qu'on peut faire un lien avec le pouvoir et les privilèges ? Est-ce que, quel est ton rapport avec le pouvoir et les privilèges dans ta vie ? Comment tu te situes par rapport à ça ? Tu me poses une colle, là. Oui, je ne sais pas pourquoi je fais le point avec l'agressivité, mais peut-être parce que moi, j'y associe une représentation de la violence parfois, contrairement à la saine agressivité. Et voilà, donc c'est moi qui fais ce lien, c'est peut-être pas du tout. Mais oui, mais ça me fait penser au petit schéma que j'ai inventé, justement pour différencier violence et agressivité. Et dedans, du côté de la violence, on pourrait voir quelque chose avec la toute-puissance ou bien l'impuissance, parce que quelquefois on peut être violent par impuissance ou par toute-puissance, et là on arrive à des questions de pouvoir pas du tout cadré, quoi. Alors que du côté de l'agressivité, on est dans la puissance. Et pour moi, la puissance, c'est complètement le contraire de l'abus de pouvoir ou de la toute-puissance. Donc, tu vois, mais c'est vrai que quelquefois ça se mélange, et souvent je fais mon petit topo, même en thérapie de couple, mon petit topo quand on arrive sur ce thème là parce que le mot agressivité, il est tellement connoté dans le langage courant, on l'assimile à de la violence, que j'aime bien différencier les choses. Et une des différenciations, c'est ça, hein, c'est déjà la puissance du côté de l'agressivité, alors que on a quelque chose de la toute-puissance, de l'abus de pouvoir de l'autre côté. Il y a quelque chose aussi avec le cadre. Moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec le cadre. Comment je peux respecter le cadre, soit le cadre de mon couple, soit le cadre de la vie en société. Et dans la violence, il y a une rupture du cadre, hein, une sortie du cadre. Et puis le contact, la différence aussi. Dans l'agressivité, je vais vers l'autre, j'ai envie de rencontrer l'autre. Alors que dans la violence, il y a souvent, même toujours, une rupture de contact à un moment. Donc c'est marrant que tu ramènes le pouvoir là-dessus. Mais... Et les privilèges. Oui. Alors les privilèges, c'est marrant ton idée de privilèges. Comment ça devient Alors en fait, c'est une question que j'oublie souvent parce que c'est une question de Heather, qui est donc canadienne, qui vit au Mexique. Oui. Qui est thérapeute et formatrice et qui est très active à la SGT. Je pense que cette question est venue après Ça, c'est mon idée. Je n'en ai pas parlé avec elle, mais probablement après Black Lives Matter, tu sais, ce qui s'est passé avec George Floyd et aux États-Unis, etc., sur le pouvoir et les privilèges des Blancs, je pense, et en fait, peut-être de l'Occident. Je pense que c'est dans cette perspective qu'elle se pose là. Mais du coup, elle le laisse très ouvert. En fait, c'est une question que j'aime bien parce que j'aurais jamais pensé à la poser. Et si on se... Donc, voilà, elle est peut-être connotée comme ça dans la société américaine, puisque souvent, c'est comme ça, j'ai remarqué que d'autres gestaltistes y répondent. Mais en France, quand je pose la question, ça devient quelque chose de très personnel. Donc, du coup, je te renvoie vraiment à toi dans ta vie et comment tu as expérimenté les pouvoirs, le pouvoir, les pouvoirs, le privilège. Quel est ton rapport à ça? Oui. Les privilèges, j'arrive pas très bien, mais le pouvoir, j'ai des choses à dire là-dessus déjà. Je me suis toujours vue comme étant pas quelqu'un dans le pouvoir, comme on dit. Et ce qui n'est pas toujours le cas de gens qui sont dans une équipe de direction. Et je repense à l'équipe de direction de l'EPG. Moi, j'avais par exemple une fonction qui n'était pas facile. Hein, quand j'étais responsable du planning, de faire le planning des formateurs. Et je trouve que ça, ce n'est pas si simple, parce que là, de quel droit je vais dire, toi, tu vas animer tel jour ou tel jour, quoi, tu vois, ça renvoie à quelque chose qui est, comment je fais ça? Moi, je l'ai toujours fait de façon interactive, voilà, demandant, ajustant, etc. Mais c'est un endroit où vraiment un endroit de pouvoir. Avoir le pouvoir sur le temps des autres, je ne sais pas si tu te rends compte. Et tiens, du coup, je me rappelle, ce qui m'était insupportable, c'était quand j'étais prof, j'arrivais à la pré-rentrée, et voilà, j'avais mon emploi du temps. Je savais que j'aurais les sixièmes à telle heure, les cinquièmes à telle heure, les quatrièmes à telle heure. Et en plus, on me donnait mes salles, on me disait « t'iras dans telle salle ». Et moi, comme je faisais de la recherche pédagogique en maths, j'étais dans la pédagogie Freinet, j'avais besoin de plein de matériel. J'avais une armoire pleine de matériel pour leur faire des expériences, etc., sur la logique, etc. J'avais un tas d'expériences à faire. Donc, moi, je disais, moi, je voudrais être dans la même salle à chaque fois pour avoir mon armoire. Ah ben non, ça, c'était pas possible. Donc, je passais les premiers jours de pré-rentrée à aller voir les profs. Est-ce que tu peux changer de salle avec moi? Voilà, ça, c'était vraiment le pouvoir comme j'aime pas. C'est-à-dire, ben voilà, c'est comme ça, ben c'est moi qui décide. Et je ne comprenais même pas. Tu n'existes pas. Ce n'est pas qu'il voulait me faire du mal. Mm-hmm. C'est qu'il ne comprenait, voilà, il comprenait même pas que j'avais besoin d'une armoire. Attends, prof de maths, vous avez besoin. Ah, il y en a même un qui m'a dit, mais vous avez besoin d'une craie d'un tableau. Bah, non, je ne fais pas comme ça, moi. voilà l'exercice du pouvoir. Bon, encore, c'est un cas, je me débrouillais, j'arrivais à vivre, hein, je ne pas manger. C'est pas grave. Mais c'est vraiment pour montrer comment le pouvoir, l'exercice du pouvoir sans tenir compte de l'autre. Et simplement, ben voilà, c'est moi qui dois décider, ben je décide, là, voilà. Bon, et là, moi, j'ai tenté de faire un petit peu différemment. Mais déjà, je voyais que ce n'était pas si simple quand même. Hein, et je me sentais par moments, c'est pas si simple d'avoir le pouvoir comme ça. Moi, j'adore pas tellement avoir le pouvoir. mais je reconnais que je l'ai fait pendant pas mal d'années, que maintenant, je suis présidente de mon école. Mais c'est vrai que je peux avoir. J'ai une façon de concevoir le. Ça ne m'intéresse pas d'avoir tout le pouvoir. C'est pas jouissif pour moi, c'est même un peu le contraire. Tu vois, voilà comment je m'arrange avec ça. Petits arrangements avec le pouvoir. Parce qu'en même temps, quand c'est pas moi qui ai le pouvoir, mais que la personne qui a le pouvoir le fait de façon comme ce principal de collège, ben ça ne me va pas du tout, quoi. Donc à la limite, j'aime mieux l'avoir et oui. Le pouvoir, justement. Oui, en fait, je réalise que c'est bien pour moi d'avoir le pouvoir et de pouvoir justement m'en arranger de façon à ce que ça ne soit pas de l'abus de pouvoir. Hein, justement, c'est la différence entre les deux, quoi, le pouvoir et l'abus de pouvoir. Je suis bien contente de t'avoir posé la question parce que ça me fait beaucoup réfléchir. Je sens que je vais encore beaucoup réfléchir après notre entretien. tu parlais du fait que tu formes dans différents pays, tu formes dans ton école, tu formes à l'OPG. Est-ce que pour toi, il y a une communauté Gestalt? Et si oui, est-ce que tu as l'impression que tu en fais partie? Ah, alors. Il y aurait beaucoup à dire sur la communauté Gestalt. Je suis assez triste, j'ai même été un petit peu en colère sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe récemment. Oui, j'ai vraiment. Il y a une communauté qui est très fracturée, quoi. Alors, est-ce que c'est une communauté? Ça s'appelle une communauté. En fait, moi, j'étais, il y a très longtemps, donc là, je vais encore faire l'histoire ancienne, j'ai été dans le... Très peu de temps, j'ai été au CA de la Société française de Gestalt, quand il n'y avait que la Société française de Gestalt. J'ai été un an dans ce CA, c'était... à l'époque où Pierre Vandamme était président. Voilà. Ah oui, mais oui. Et donc, je suis rentrée au CA et au bout d'un an, il y a eu cette fameuse Assemblée générale à Clermont-Ferrand où il y a eu la scission et où il y a eu une partie des personnes qui sont parties et ensuite la création de l'Institut. Ça a été un moment assez difficile pour moi parce que j'arrivais un petit peu toute jeunette, toute contente de participer à une société, etc. Et bingo, il y a un clash, je n'ai pas vu venir, j'étais un peu... Bon, voilà. Donc, je me dis, oh, bah, dis donc, j'arrive quelque part et ça pète aussitôt, mince alors. C'était un peu... C'était pas très simple. Bon, puis après ça, moi, je suis restée à la... Bon, nous, le CA s'est dissous, donc j'ai fait qu'un an. J'étais secrétaire d'ailleurs à l'époque, secrétaire général. Bon, j'ai fait qu'un an, donc vraiment un petit passage éclair. Alors, ensuite, ça m'a un peu dégoûté, c'est-à-dire je suis resté à la SFG, j'ai participé assez activement aux journées d'études, etc. Mais je n'ai pas voulu du tout me représenter dans le CA. Je crois que j'avais reçu un bon coup. Bon, et puis ensuite, il y a eu la vie des deux associations. J'ai beaucoup aimé les tentatives de rapprochement, j'y ai cru. Alors, bon, est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait une seule... Bon, mais je trouvais qu'on avait quand même vécu, il y a eu ce congrès qui a été fait ensemble, que j'ai trouvé très fort. Je me suis dit, ah, il y a quand même des choses à faire ensemble, etc. Ça m'a bien plu. Et même à l'intérieur de la CFG, il y a beaucoup de différences aussi, alors quoi. Bon, il y a eu ce congrès, et puis les tentatives de rapprochement. Moi, je me souviens d'une réunion où il y avait des personnes du collège, des personnes de la SFG, j'y étais comme étant un ancien membre d'un CA. Et bien, bon, ce n'était pas facile, mais c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Il y a eu la création de cette fédération qui devait regrouper normalement le collège et la SFG. Alors là, moi, j'y ai cru. Je suis allé à la création de cette fédération. Je me suis dit, ouah, ça fait du nouveau, ça y est. Tu vois, toujours l'idée de... Ça fait du nouveau. On a les deux associations ont vécu leur vie. Il y a eu des choses très bien des deux côtés, etc. Mais c'est peut-être le moment de se retrouver. Et ces retrouvailles étaient vraiment fortes pour moi à Lyon. Après, je n'ai pas pu trop participer, malheureusement, à la fédération parce que j'étais un peu occupée par ailleurs. Et puis, il y a eu le fait que ça n'a pas suivi, c'est-à-dire le collège est resté, la SFG est restée. J'en suis fort triste. Je trouve que c'est trop, trop bête. C'était bon, voilà, c'était bon. Alors maintenant, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait trois associations. Et franchement, ça fait encore un truc, tu vois, c'est comme après la scission, je me suis dit, oh la barbe, me réinvestir a été difficile. Là, je sentais que ça y est, cette fédération, etc. Les bras m'en tombent, il n'y a même pas moyen. Il n'y a même pas moyen. Bon, bah, il y aura donc trois. Et il y a quand même une partie de mon cœur qui reste à la SFG, puisque c'est quand même. Voilà, j'étais dans le démarrage, etc. Enfin, je n'étais pas à la création. Mais bon. Voilà. Et puis, en même temps, cette fédération, j'y ai cru. Le collège, moi, je trouve ça très intéressant, mais je vais pas être partout. Quoi. Ce qui me fait, ça me fait triste, ça me fait un peu en colère que cette fédération n'ait pas pu, hop, ce projet avorte. Fédérer. Oui, ça n'a pas fédéré. Et ça me démobilise un peu, en fait. Il y a une démobilisation, on dit, oh, allez, j'en ai un peu marre. C'est, bon, c'est peut-être juste un passage, hein, mais je sens une démobilisation alors que je trouve vraiment important qu'on se parle, qu'on se rencontre, qu'on parle de nos différences. Je me souviens d'une fois, c'était à la SFG, je crois, Chantal Masquelier avait fait venir des personnes très différentes, une sorte de tribune, voilà, ils étaient là autour de la table, je ne sais pas si tu y étais, et elle interrogeait chacun sur ses particularités, ses différences. C'était super intéressant. Il n'y avait pas de bagarre, mais de déploiement des différences. C'était, moi, j'aime ça. J'aime ça et je pense qu'on pouvait faire ça. Bon. Je vais peut-être me remobiliser, mais je ne vais pas aller dans les trois endroits. Quoi. Ça, tu ne peux pas te diviser, en tout cas. Voilà. Bon, je suis encore en train de... Je ne sais pas bien ce que je vais faire. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que tu souhaites pour la gestalt-thérapie? C'est quoi le next pour la gestalt-thérapie, en général? Comment tu imagines la suite, toi? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que je souhaite? Ben déjà, c'est marrant parce que je souhaitais, il y a aussi fort longtemps, je faisais un petit peu de coaching, pas beaucoup, mais un petit peu de coaching. J'ai fait ça au début de ma présence à l'EPG. Et je m'apercevais que la gestalt était extrêmement peu connue. Ce n'est plus du tout le cas. Donc, à l'époque, je souhaitais que la gestalt soit plus connue. Maintenant, vraiment, grâce à des collègues qui ont été très présents dans les médias, il y a vraiment eu vraiment des gens à remercier pour ça. Hein. Maintenant, quand on dit gestalt, les gens ne disent pas comme il y a 30 ans, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une secte. Ça ne se dit plus. Ça, je trouve qu'on a... Ça, vraiment, ça a bougé, j'en suis ravie. Le next, ça serait peut-être qu'on soit un peu plus présent à l'université, par exemple, j'aimerais bien. Hein, on n'est pas très présent à l'université. C'est malheureusement la psychanalyse, les thérapies cognitives et comportementales, mais la gestalt n'a vraiment pas beaucoup de place. Et ça, bon, bah, je dis ça, mais j'aurais pu y œuvrer, j'y ai pas œuvré, mais j'espère que certains d'entre nous vont pouvoir œuvrer là-dessus. Et donc ça c'est mes souhaits. Qu'est-ce que j'aurais comme autre souhait? Ben non, c'est pas un souhait parce que c'est en cours de route. J'ai beaucoup aimé cette création des psys du cœur qui est plutôt vraiment à l'origine de gestalt thérapeute. Et qui se développe pas mal en ce moment aussi avec les étudiants, etc. Donc, mon souhait que ça continue à se voir de plus en plus, je trouve que c'est une belle création. J'ai été superviseur des Psys du Cœur pendant pas mal d'années à leur création. Ah oui. Et puis, j'ai laissé un peu ma place. Hein, mais c'est vraiment aussi un endroit que j'aime beaucoup cette création qui est maintenant bien bien forte. Oui. Donc ça c'est pas du nouveau, mais c'est oui, j'ai envie que ça, je salue ces créations, tu vois, et puis toutes ces choses qui se font aussi avec les ponts, tu vois, l'éponge, ces personnes qui travaillent sur les hauts potentiels intellectuels ou les zèbres, etc., qui font des, voilà, gestalt et voilà comment la gestalt regarde. J'aime bien toutes ces ouvertures. J'espère qu'il y en aura encore d'autres, tu vois, c'est les ponts, oui. Les ponts. Je trouve que la Gestalt maintenant, on a eu besoin dans les premiers temps de s'affirmer, de se conforter. Aussi, il y a eu toute une période, moi, quand j'ai contacté la Gestalt, au niveau de la théorie, c'était encore un peu, encore léger. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de progrès de ce côté-là, de travail, de développement. On a beaucoup avancé là-dessus. Maintenant, je trouve qu'il y a quelque chose qui se tient avec des différences, avec des différents courants. Tant mieux qu'il y ait des différents courants. Et maintenant, on peut peut-être, oui, développer plus maintenant ces ouvertures et ces ponts avec l'extérieur. C'est un peu ce qui nous vient. Je crois qu'on est arrivé au bout de l'entretien. Oui. J'ai dit, il y a peut-être une question que je n'ai pas vraiment approfondie qui était comment la gestalt t'a affecté, comment elle t'a, en tant qu'individu. Peut-être qu'à la fin, pour conclure, on pourrait dire ça, après tout ce qu'on a dit finalement, comment cette rencontre avec la gestalt thérapie et gestalt pratique et tout ton exercice, qu'est-ce que, au moment où tu as commencé, où tu es là maintenant, aujourd'hui, comme un Polaroid, qu'est-ce que tu as l'impression que ça a transformé en toi? Oui. Avant la transformation, je verrais plutôt, il y a eu un fil. Le moment où j'ai arrêté d'être prof, parce que j'ai quand même été prof de maths en plus, hein, prof de maths pendant 15 ans, et après ça, gestalt-thérapeute. Et je voyais une rupture dans ma vie professionnelle, quelque chose, voilà, une rupture. Et ça a été extrêmement important que j'arrive à trouver un fil. J'ai retrouvé ce fil longtemps après en m'apercevant que ma façon d'être prof de maths, j'étais pas prof de maths très traditionnel, j'étais plutôt oui, pédagogie freinée, pédagogie expérientielle, etc. Et quand je me suis aperçu que la Gestalt était une thérapie expérientielle qu'on proposait d'apprendre par l'expérience aussi, et c'est Salaté qui commence à expliquer comment on construisait une expérience justement pour pouvoir partir d'un comportement qui ne convenait pas à chercher de la nouveauté justement par l'expérience. Ah ben je me suis dit, ben voilà le fil. C'est-à-dire j'ai trouvé déjà le fil entre mon métier d'enseignante et le nouveau métier, c'est l'importance de l'expérience pour apprendre. Ça a été vraiment. Déjà le fil, ça m'a plu de voir ce chemin. Et ta question, c'était pas tellement le fil, c'était pour. Mais c'est un peu importe, c'est qu'est-ce que en quoi la Gestalt a fait quelque chose en toi, et peut-être que c'est de tisser une continuité, de ne pas être dans une rupture, mais ça peut être encore autre chose. J'entends ça en tout Oui. cas. Ben oui, déjà, oui. De découvrir ça, je me suis vue vraiment dans un chemin justement sur l'importance de l'expérience et après un petit peu dans la ligne de ça, le fait que mon importance, l'importance de regarder les questions de normalité hein, comme elles peuvent être enfermantes et là la Gestalt a vraiment une ouverture, ça a été très très important. Parce que dans le domaine de la sexualité, quand j'étais me former en sexologie, j'ai rencontré beaucoup de normalité. Voilà ce qui est normal, voilà ce qui est pathologique. Hein. Et là, justement, la Gestalt m'a beaucoup aidé à revisiter ça autrement. En Gestalt, on regarde non pas est-ce que c'est normal ou pas, mais est-ce que ça me convient et est-ce que ça convient à mon environnement si je suis en relation avec quelqu'un, si je parle de ma sexualité? Ça change tout, quoi. Et ça a été, tu vois, ça a été vraiment, vraiment quelque chose d'important dans ma façon de regarder et de regarder la vie et de regarder mon métier, quoi. C'est, oui, c'est surtout ça. Je me sens pas enfermée, quoi. C'est-à-dire, c'est hyper important d'être. Ce choix que j'ai fait en voyant ces gens si différents, quand même plus se friter entre eux, etc., on s'en souvient bien, et ben de trouver, ah ben voilà, ils ont chacun, ça a été hyper important dans mon choix de la Gestalt, et je me retrouve bien là-dedans. Et encore maintenant, quand je rencontre des Gestalt thérapeutes, on sent qu'est-ce qu'on est différent, mais on a en commun cette façon de regarder le monde, d'apprendre par l'expérience, oui, et de... Ouais. Je sais pas comment dire autrement. C'est quelque chose qui t'as envie de rajouter pour clore, est-ce que quelque chose qui te vient? Oui, j'ai l'impression d'avoir oublié plein de choses, sûrement, tu sais. je sais. Qu'est-ce que je pourrais dire pour clore? J'ai pas envie de clore. Ah, c'est bien ça. Je suis contente que tu n'aies pas envie de clore. on continue le chemin, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai dû sans doute oublier de dire un tas de choses qui m'importent, et je vais peut-être dire après, ah, j'ai oublié de parler de ça. Mais bon, c'est un petit peu dans ta rencontre que tout ça est venu, et c'est pas complet, et voilà, et c'est bien parce que ça donne envie de continuer. Un finish business, tu sais. Oui, c'est ça. Et c'est le mouvement de la vie aussi. Oui, ça va avec la frustration, notre envie d'aller plus loin, avec le désir. Et puis en plus, j'ai lâché depuis longtemps l'envie d'être parfaite. C'était très plombant, cette chose-là. Je suis très contente de m'être dégagée de ça. Super. T'as de la chance. Ça fait du bien, tu sais. Ah oui, j'y travaille. Je travaille parfaitement à essayer de ne plus être parfaite. Ok. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour ce moment qui est très, très riche pour moi. C'est pareil, je suis très nourrie. Et puis... Et ben voilà, et puis peut-être une prochaine fois sous une autre forme. D'accord, j'espère bien qu'on va se revoir autrement, oui. Merci Brigitte, je vais arrêter l'enregistrement.